Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Qui d'entre vous n'a pas reconnu dans ces deux phrases la morale de fable de Jean de La Fontaine ? Le loup et l'agneau, puis le corbeau et le renard, j'aurais pu tout aussi bien citer la cigale et la fourmi, ou le rat des villes et le rat des champs. Vous les auriez reconnus. C'est que nous avons têté ces vers depuis l'enfance dans nos livres de lecture et nos récitations. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. En 1668, quand il les fait paraître, La Fontaine n'a pas la réputation d'un auteur pour enfants. Protégé par Fouquet, surintendant des finances tombé en disgrâce, il prend sa défense, ce qui l'exclut des faveurs royales. Il fréquente donc un milieu littéraire et aristocratique un peu en marge de la cour. C'est un homme qui a peu publié et a surtout donné, 4 ans auparavant, un livre qui sera interdit, des nouvelles en vers tirées de Boccace et de l'Arioste, que l'on intègre aujourd'hui dans ses contes. Littérature libertine, poursuivant une tradition gaillarde, héritée de l'Antiquité et du Moyen-Âge, reprise par Rabelais et Marot et développée en Italie dans le Décaméron de Boccace. Rien ne laisse présager une carrière de moraliste ou d'éducateur. Les fables sont-elles d'ailleurs vraiment une œuvre pour enfants ? Certes, elles sont dédicacées au fils du roi, le dauphin, alors âgé de 6 ans et demi. Et, écrit La Fontaine, « tout parle en mon ouvrage et même les poissons. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » Aussitôt que je prends la plume, je m'évade à l'instant même des soucis que je puis avoir, et réellement, cela tient du prodige. Publierai-je jamais les choses que j'écris, ça. Mais quel plaisir incomparable. Ce que l'on parvient à faire avec quelques mots, s'ils sont bien choisis, c'est réellement divin. Vous lisez beaucoup. Non, mais je lis beaucoup ceux que je lis. Ceux qui me plaisent, je les adore. Ainsi Rabelais et Malherbe ne cessent de m'enchanter. Ils me découragent un peu, mais je les sais par cœur et j'en rêve la nuit. Et les anciens ? Certains m'échappent, mais il y en a que je comprends très bien. Et alors ceux-là, bien que je sache imparfaitement le grec et le latin, ceux-là, il me semble que je les devine. L'ouvrage semble avoir d'abord touché les amateurs de bonne littérature. Pourtant, en moins d'un siècle, elles vont faire leur chemin. Jean-Jacques Rousseau, qui prétendait avec son livre « L'Émile » proposer la meilleure éducation destinée aux enfants, constate « On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants. » Il ajoute amèrement « Il n'en est pas un seul qui les entende. » Et même, selon lui, elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Comment est-il alors devenu le poète des écoles, celui que des générations ont fréquenté, appris et récité ? C'est que les maîtres y trouvaient un modèle d'expression. Comme dans le roman de Renard, les animaux, chers aux enfants, incarnent des personnages auxquels on peut s'identifier. Ils évoluent dans des récits ramassés, mais avec une trame dramatique nette, leurs dialogues sont vifs et rapides, facile à lire et à comprendre. Eh bien, dansez maintenant. 4 mots pour signifier le refus, mais aussi le mépris et la sécheresse de cœur. Quant à la morale qui s'en dégage, il est remarquable pour son époque qu'elle ne s'appuie pratiquement jamais sur la religion, mais plus sur une morale pratique, quotidienne, qui propose à chacun de reconnaître ses défauts plutôt qu'elle n'exhorte à une vertu abstraite. Illustrée dès la première édition par des gravures animalières de François Chauveau, elles ont inspiré les plus grands illustrateurs, Oudry au XVIIIe, Doré et Granville au XIXe, Benjamin Rabier au XXe et bien d'autres. On les a trouvées en tapisserie, en images d'épinal, en canevas, brodées sur des dossiers de fauteuil ou peintes sur des assiettes. Aujourd'hui, seuls quelques poèmes de Jacques Prévert disputent aux fables la première place dans les écoles. Les maîtres trouvent son vocabulaire plus simple, plus accessible et surtout ils pensent que les poèmes de Prévert font plus appel à l'imagination de l'enfant. Ce sont là des sujets vainqueurs du temps. Concurrent ou complémentaire, l'avenir le dira. Mais il y a fort à parier que par leur liberté de forme, leur variété de ton qui pique l'intérêt et renouvelle le plaisir, les fables traverseront le XXIe siècle.